Bébé, t'as besoin d'amour, de mes bisous dans ton cou, de tes mains douces sur mon torse, de moi dessus, toi dessous. Bébé, je vais et je viens, bébé, de plus en plus loin, et soudain quand tu viens. Allez bébé doucement, oh doucement.